là le shit que vous cherchiez. L'industrie, ma toilette, ici ça vous cherchiez. Tu sens le désarroi, tu colonises pourtant, on est déjà roi. Mais le statut, pas besoin pas fileux. Pas besoin de te dire que je suis le boss de la ville. Avant le crime, dans le ventre, y'a un domaine. La détente, mon gun, c'est un domaine. On vise la voûte pour redonner. Des paroles qui t'en foutent, tu vas les fredonner. Pendant que t'essayes d'étonner, clic, clic, clic, une bombe va détonner. Genre de l'ombre, j'ai envie de voir des lumières. Mon histoire, je récupère mes victoires, j'énumère l'auditoire rémunère. C'est ça ma vie, un soldat, je te donne mon avis, un solde. Et où on va, y'a pas de cul-de-sac d'entre deux. Big Black est dangereux, le mismatch des gens heureux. Ma clique marche dans le feu. Et si tu noies dans le déluge, t'es juste une petite biatch dans le jeu. Quand j'rappe le blues du guerrier, quand j'rappe le blues du guerrier, on voit tout en rouge, ça va saigner. Yeah, yeah, yeah. Quand j'rappe le blues du guerrier, quand j'rappe le blues du guerrier, on voit tout en rouge, ça va saigner. Yeah, yeah. Moi j'suis la panne de courant dans leur soirée branchée. J'suis au buffet pis j'compte pas débarrasser le plancher. Gros j'suis venu pour manger, j'fais pas de mea culpa. J'assume mes choix, moi comme Sosa on m'encule pas. J'connais trop l'industrie, ils font avec des promesses. Mais mon chum, tout est faux comme les seins de leur maîtresse. Déteste leur façon d'être, leur sourire forcé, leurs millions de conquêtes, leur famille divorcée, leur apparence soignée dans leur soirée de malade. Avec leur chien de garde à la porte du hit parade. Moi je marche en parallèle, j'suis pas un artiste de salon. J'ai une famille, ses épaules puis la police, ses talons. J'écris des textes pointus pour que ma musique kill. Après j'ai pitch dans le top vu que j'ai pas de public cible. C'est du vrai depuis le début, depuis rime organisée. Depuis mon premier show devant personne à la liste. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. On voit tout en rouge, ça va saigner. Yeah, yeah. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. On voit tout en rouge, ça va saigner. Yeah, yeah. Pour ma rage, j'ai une main sur le mic, sur le mic. Pour mes nerfs, j'ai l'autre main sur le spliff. Tu demandes pourquoi je suis impulsif. J'en ai belle marre de votre injustice. Les pauvres s'appauvrissent, les riches enrichissent. Mais fuck, faut que tu votes pour un de ces antichrists. Je peux lire leur regard, leur accolade. Je suis comme un président en décapotable. Je suis une cible, mais j'ai 300 gars avec moi comme Sparta. La classe disparue avec la classe de Frank Sinatra. Et notre check, dis-nous tout de suite qui l'a. Donne vie à ma forme d'art, j'suis un killer. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. On voit tout en rouge, ça va saigner. Yeah, yeah. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. Quand j'rappe, j'rappe le blues du guerrier. On voit tout en rouge, ça va saigner. Yeah.